À son retour, Eugène vit entre les mains de Madame Vauquer le médaillon à cercle d'or où étaient les cheveux des deux filles. « Comment avez-vous osé prendre ça ? » lui dit-il. « Pardi, fallait-il l'enterrer avec ?» répondit Sylvie. « C'est un or. »« Certes, » reprit Eugène avec indignation, « qu'il emporte au moins avec lui la seule chose qui puisse représenter ses deux filles. » Quand le corbillard vint, Eugène fit remonter la bière, la décloua et plaça religieusement sur la poitrine du bonhomme une image qui se rapportait à un temps où Delphine et Anastasie étaient jeunes, vierges et pures. Rastignac et Christophe accompagnèrent seuls, avec deux croque-morts, le char qui menait le pauvre homme à Saint-Étienne-du-Mont, église peu distante de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Les deux prêtres, l'enfant de cœur et le bedeau, vinrent et donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour 70 francs dans une époque où la religion n'est pas assez riche.